بسم الله الرحمن الرحيم نذكر بعض فضائل الحج والعمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فضل عظيم في العمرة في الحج فأدخل الحج الحج أو العمرة العمرة مثلا واحد il a fait l'umra l'année dernière et il refait l'umra cette année entre les deux entre ces deux umra Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ma kana baynahuma ay min as-sagha'ir قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه et ça c'est un fadl azim et c'est ça notre but pourquoi on fait le hajj pourquoi on fait des efforts pourquoi on aime cette ibada لان الثمره العظيمه لكن انتبهوا وتاملوا الحديث والحج المبرور c'est pas n'importe quel حج الجزاء la récompense qui est citée dans ce hadith أي ليس له جزاء إلا الجنة elle est par rapport à ce حج المبرور فأخي الكريم tu dois connaître tu dois comprendre tu dois savoir c'est quoi الحج المبرور فسره النبي صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith حديث أبي هريرة في الصحيحين كذلك الحديث كنا سيته أبغافون كذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الحديث كما تقدم في الصحيحين تأمل سو حديث الآن النبي صلى الله عليه وسلم il te montre une deuxième récompense le premier hadith ليس له جزاء إلى الجنة le deuxième hadith Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses péchés. Yardi' ka yawma waladathu um. On appelle le lafd ka yawma, on l'a lu bil fath. Lianna ya akhilaf, est-ce que tu dis ka yawmi ou ka yawma? Walladhi yadhhar anna ka yawma c'est afsah, il est mabni ala al fath. Et ba'dhum, ils disent que yajouz dire ka yawmi. Hada tanbih min hayth al lugha. On revient à notre hadith man hajja lillah. فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ وَرَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ Donc, pour avoir la récompense, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te montre les conditions. أولاً من حج لله. Il faut que ce حج, il soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ibadah. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا احرص, أخي الكريم, que ta niya et ton objectif, c'est ce حج لله. Pas pour qu'on dise Fulan il a fait le Hajj. Là, afetan, ça c'est min bab riya. Et là, chacun a celui qui a cette niya, il ne rentre pas dans les conditions là. Il ne revient pas comme le jour où sa mère l'a enfanté. Afetan, il y a le Hajj al-Mabrour, là, il y a un khalis san lillahi jalla wa ala. Qala l'imam ibn Rajab rahmatullah alayhi fi kitabihi al-Nafi' Lata'if al-Ma'arif fi ma lil-Mawasim min wada'if. C'est un kitab de mille, had. Un kitab, il te montre, chaque mois de l'année, il te montre les fada'il qu'il y a dans ce mois, et les a'mal qu'il y a dans ce mois. Matalan, shahru ramadan. Et il t'explique, Anna, dans ce mois, c'est un mois sacré, awwalan, et tu dois faire le jeûne, tu dois, etc. Shahru dhilhijjah. Il t'explique que c'est un mois sacré, kadhalik, et il y a une ibadah azima, al-hajj. Fa il est nafi' jiddan, c'est un kitab nafis. لطائف المعارف فيما للمواسم من وظائف المواسم c'est les périodes وظائف وظيفة c'est un عمل une chose que tu dois faire dans ces périodes il t'explique chaque mois رحمة الله عليه قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة les deux hadiths qu'on a cités les deux hadiths qui sont de Abu Huraira رضي الله عنه et les deux ils sont في الصحيحين قال مرتب على كون الحج مبرورا. Pour avoir cette récompense, il faut que le حج soit مبرور. La question qui se pose الآن, c'est quoi le حج المبرور؟ قال وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه. Deux choses, أخي الكريم, pour que ce حج soit مبرور. La première chose, أحدهما, أي الأمر الأول, قال الإتيان فيه بأعمال البر. والبر يطلق بمعنيين أي على معنيين أولا la première chose pour que le حج soit مبرور أخي الكريم pour que tu profites de cette récompense qui est citée أي Allah il pardonne tes péchés et la récompense est le Jannah أولا الإتيان فيه بأعمال البر. Pendant ce hajj, tu fais des bonnes actions. قال والبر يطلق بمعنيين. Ce bir, ces bonnes actions, il y a deux cas, ou deux sous-catégories الآن. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه الأول بمعنى الإحسان إلى الناس. Pour que le hajj soit mabrour, premièrement, أعمال البر. Que tu fasses des bonnes actions. Les bonnes actions, Ibn Rajab, il te montre, tu peux les diviser en deux sous-catégories. La première sous-catégorie, al-ihsan ila nas. Et les bonnes actions avec al-makhluq, avec les créatures. Qala, kama yuqal al-birr wa-sila wa dhidduhu al-uquq. Naam. Tu dis matalan birrul walidain. Et c'est une bonne action qui est liée avec tes parents. Et t'as un bon comportement avec tes parents. Al-ihsan ila al-walidain. Le contraire, al-uquq, uquq al-walidain. Et un mauvais comportement, désobéissance aux parents. Hada, al-ihsan ila al-nas, par rapport au hajj, ça va englober plusieurs choses. Ça va englober, na'am, plusieurs choses. Al-rifq ma'a al-rufaqa. T'as de la douceur, akhil karim, avec ceux qui sont avec toi. Khasatan si c'est des proches. Kadalik al-sabr ala al-hujjaj. كذلك تباسيونت مع اخوانك تعلمون ان في الحج يا beaucoup de monde زحمه avec la fatigue la بد من الصبر patient avec tes frères patient خاصه اكثر الناس ils sont à la jahl et ils connaissent pas et il y a des vieilles personnes des personnes malades ربما ils patientent pas pour des choses minimes فانت اصبر كذلك تعليم الناس ça c'est من الاحسان الى الناس في الحج النصيحه الدعوه الأمر بالمعروف النهي عن المنكر tout ça selon tes capacités بلا تكلف et ne dépasse pas les bornes في هذا لأن بعض الناس ربما يبغى الخير et dépasse les limites لا انصح بالرفق بالتي هي أحسن il accepte الحمد لله il accepte pas et ولله الحمد il y a des milliers de personnes à qui tu peux faire نصيحة نعم sans hausser la voix sans s'énerver sans لأن الوقت اللي يسير était dans نعم عبادة عظيمة t'as besoin de temps. فلا تضيع وقتك. S'il accepte, alhamdulillah, il accepte pas. T'es pas مسؤول عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. فالحمدulillah, tu peux avec la langue, tu peux avec ton cœur. صح. Ça, donc, c'est la première sous-catégorie. Al-ihsan ila al-nas. Deuxième sous-catégorie. فعل الطاعات كلها. أي tu fais les adorations que Allah subhanahu wa ta'ala et t'a légiféré. وهذا, ça englobe beaucoup de choses. أولا الإخلاص comme on a cité. كذلك المحافظة على الصلوات. كذلك الأذكار المشروعة. كذلك تطبيق السنة. إن شاء الله on détaillera certains points. Donc الأمر الأول pour que le حج soit مبرور الإتيان فيه بأعمال البر. أي on fait des efforts pour faire des bonnes actions. في هذا الحج. Que ça soit par rapport au makhlouq, on a l'ihsan, on a un bon comportement, on patiente, etc. Ou, et c'est ça, l'aham, l'asr, qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est ça notre but fi hadha al-hajj. Deuxième point, pour que le hajj soit mabrour, قال ibn Rajab rahmatullah alayhi, al-amru thani mimma yakmulu bihi bir al-hajj, ijtinab af'al al-ithm fi. Premier point donc c'était al-bir, tu fais des bonnes actions. Deuxième point, tu t'écartes des muharramat, tu t'écartes des bid'a, tu t'écartes des khurafat, tu t'écartes du shirk. Enfin, si tu appliques ces deux points là, tu fais les bonnes actions et tu t'écartes des mauvaises actions, inshaAllah ta'ala ton hajj il est mabrour. Wal hajj al mabrour laysa lahu jaza'un illa al-jannah. قال ابن رجب رحمة الله عليه اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم استدل بالآية في سورة البقرة ومن سورة البقرة إن شاء الله on reviendra sur ce verset. On lit الآن نعم on lit تفسير الشيخ سعدي رحمة الله عليه مختصرا قال الرفث هو الجماع. Enfin, maintenant, cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran al-Karim, Fala rafatha. Le Cheikh Sa'di t'explique que rafath, c'est al-jima'. Ou wa muqaddimato. Aïe, des rapports, avoir des rapports avec sa femme, ou hatta al-muqaddimat. Qala al-fi'liya wa al-qawliya, que ce soit des paroles ou passer à l'acte. Tout tout ça c'est haram fi al-hajj. Dès que tu es en état d'ihram, comme Azayati Ma'ana, tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Enfin, celui qui s'écarte de cette chose-là, hein, et bien sûr de tout ce qu'on a cité, Inch'Allah, son hajj, il est mabrour. قال والفسوق هو جميع المعاصي نعم من كذب وسرقة وغش وسب والشتم etc. Inch'Allah, celui qui s'écarte de ces معاصي et il fait des efforts في الطاعات واتقوا الله ما استطعتم Inch'Allah, son حج est مبرور. كذلك من فضائل الحج ما روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن العاص رضي الله عنه أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله فضل الإسلام. Celui qui se convertit, et ça c'est une bouchra, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ça c'est une bouchra, celui qui se convertit, الإسلام يهدم ما كان قبله. Toutes les erreurs, tous les péchés, حتى الكفر والشرك والإلحاد, etc. Si se convertit, ويتوب توبة نصوحة, فالله سبحانه وتعالى lui pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés. قال وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها فضل الهجرة كذلك فضل عظيم أن celui qui fait الهجرة sincère, il est sincère لله عز وجل لا للدنيا لا, il fait الهجرة لله pour préserver son دين لأن في بلاد الكفر il est en danger, c'est ça sa niya. Cette هجرة تهدم ما كان قبلها أي من المعاصي. الله سبحانه وتعالى il lui pardonne ses fautes. قال وأن الحج يهدي ما كان قبله. هذا الشاهد من الحديث أن الحج celui qui fait le حج bien sûr le حج المبرور qu'on a cité لله عز وجل فهذا الله سبحانه وتعالى il lui pardonne ses fautes بهذا الحج. وفي السنن عن عبد الله بن مسعود وجاء عن ابن عباس كذلك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنها أو فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. سأسرين بشرة كذلك قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. خبث الحديد نعم. دونك الحج والعمرة قوله تابعوا أي essayer de faire chaque année pour celui qui a le قدرة, pour celui qui a le temps, pour celui... Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, comme Azaya dit, ma'ana, que le hajj ou l'umra, c'est wajib une fois. Lakin, fi hadha al-hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te montre le fait de faire, souvent. Tabi'u bayna al-hajj ou l'umra. Et les erreurs qu'il y a entre le hajj ou l'umra, maintenant tu fais le hajj cette année, tu l'as fait l'année dernière, Inch'Allah, tu le fais l'année prochaine. Entre chaque hajj, chaque umra, Allah, il te pardonne tes péchés. Al-hadith... أو لدو حديث حديث عبد الله بن مسعود كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حسنهما الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في كتابه النفيس الصحيح المسند. تنبيه هنا وفيه تنبيه أن التكرار كسيتي إلي مهم, لكن بعض الإخوان يفل الأجر لا شك يفون دي زفر في هذا, لكن يفون الحج تو لزن بعضهم يفون كون عند الكفار. Et ta'lamoun anna al-hajj c'est obligatoire une fois. Et l'hijra c'est obligatoire. Fattambih huna anna ba'd l'ikhwan il fait l'hajj walillahi l'hamd thumma il revient thumma une autre année il refait l'hajj thumma une troisième année thumma une quatrième année et il revient da'iman عند al-kuffar. Et rubbama s'il est conseillé de faire l'hijra, un frère il le conseille de faire l'hijra, rubbama il n'a pas les moyens. وهذا في الحقيقة هو الويدي يا أخي الكريم قدم الواجب على النافلة الواجب يباسفون النفل خاصة أنت لبوت دو سحج سيك الله يتعدون تفوت إن شاء الله تغنز نظم الدين أما أن غفنوا عند الكفار تفي جمال أتون دين تفي جمال سي بور سا كو سو كي فون الحج et celui qui a fait le hajj et qui est revenu في بلاد الكفر il a ressenti هذا par un ضيق شديد لأن tu sors d'une عبادة عظيمة. Et tu étais dans un balad tayyib, un balad, comme on a expliqué hier dans le Muhadra, qui donne l'importance à l'islam et qui respecte les musulmans. Thumma, tu reviens عند al-kafara, al-mulhidin, la chèque que ça te fait du mal. Alors, on conseille les frères de faire al-hijra. Elle est wajiba. Elle va te préserver ton din, bi-idnillah azza wa jal. Et le fadl, il est azim. Al-hajj, il efface les péchés, kadalik, al-hijra. فأقدم الواجب على النف ثم سي الله سبحانه وتعالى تفاصيلات الهجرة ثم تفاصيلات مال ووقت وقدرة تفي الحج tous les ans بعد ذلك فنور على نور أما on reste في بلاد الكفر on fait le hajj tous les ans et on ne fait pas الهجرة واجبة فلا يتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الهجرة بل وجوب الهجرة il est avant وجوب الحج بالإجماع أي الله سبحانه وتعالى il a rendu obligatoire الهجرة au prophète صلى الله عليه وسلم avant l'obligation du حج فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الهجرة ثم il a fait الحج هذا c'est مهم هذا c'est مهم لأن نرى بعض الإخوان ça fait des années ils font le حج et ils habitent toujours عند الكفار ils sont en danger eux et leur dîn il est en danger نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع